vont curer tout Texan quand de crête c'est le printemps. Des plaines d'Ukraine aux plaines du Texas, on attend la belle saison. Belle saison qu'on aime et qui trop vite passe déjà le vent. Les plaines d'Ukraine, aux plaines du Texas, on n'entend qu'une rengaine. C'est le du vent qui traîne, c'est le du vent qui passe, du vent.